Seo Il-min, représentant de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste, a été interviewé le 16 par un correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée relativement à la chute de Park Geun-hye, rejetée du peuple. Il a dit notamment « L'histoire ne connaît personne aussi lâche et abominable que Park Geun-hye, exclu de la présidence pour sa haute trahison et sa conduite maudite, en indignant toute la nation et en faisant l'objet de la condamnation du monde. » Park Geun-hye, d'un air extrêmement misérable, accusé de diable du XXIe siècle par l'humanité, est enfin traduite au tribunal de l'histoire en face du monde. Voilà le jugement sévère de la nation et le coup impitoyable du peuple indigné sur l'auteur de la traîtrise, du servilisme aux forces extérieures et de la corruption, violatrice de la justice et auteur de la misère du peuple, de la confrontation fratricide et de la destruction des rapports intercoréens. La récente lutte qui a laissé ses traces patentes dans l'histoire de la résistance de tout le peuple pour l'indépendance, la démocratie et la réunification a montré clairement qu'aucun ne peut empêcher l'aspiration ardente du peuple à jeter dans la ruine historique Park Geun-hye et sa bande pour créer à tout prix une vie et une société nouvelle. La société sud-coréenne se trouve actuellement sur le carrefour important pour les grands changements. Portant plus haut le flambeau violent de la résistance pan-nationale, nous nous engagerons dans la lutte générale pour enterrer entièrement les conservateurs traîtres pro-américains qui se démènent désespérément.